إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô toi mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car certes l'association à Allah est véritablement une injustice énorme. » Tel est ainsi, ayyuha al-ahbab, la base de tout prêche véridique. Tel est ainsi le départ de tout chemin à prendre. Tel est ainsi le fondement et la base de toute bonne direction. De commencer de prévenir et de commencer à alerter contre l'association ash-shirku billahi azza wa jal. Et de prêcher à l'unicité pure, à tawhid lillahi tabaraka wa ta'ala. Car le fait de prêcher à Allah et tout ce qui rentre dans l'éducation islamique, at-tarbiyatul islamiyya, se doit d'être vérifié, d'être surveillé et d'être appris. Ainsi la bonne éducation, l'éducation juste et l'éducation authentique et l'éducation correcte se doit de se faire, ayol ikhwa, en prévenant contre l'association à shirk et en appelant au tawhid. Et ainsi, si l'on ne commence pas par prévenir et alerter contre ce grand crime qui est l'association à Allah Jalla wa Ala, et que l'on ne commence pas à prêcher à l'unicité à tawhid, ce serait une grande erreur et une grande preuve quant à l'erreur de la manière d'appeler à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car nous voyons beaucoup de gens malheureusement de nos jours, beaucoup parmi ceux qui appellent à Allah Jalla wa Ala, beaucoup parmi ceux qui enseignent la religion d'Allah Jalla wa Ala, qui ont pris le chemin d'éduquer et de guider les gens, qui ont mis en avant d'autres sujets que le sujet de l'aqidah, que le sujet de la croyance profonde. Et ceci est une grande erreur dans le da'wah. Tu en vois par exemple qui ne parlent que des hukam, que des gouverneurs et des états des musulmans et du gouvernement avec la sharia, de la législation d'Allah Jalla wa Ala. Bien que ce soit un sujet important, mais le plus important est que les gens an-nas soient éduqués sur la croyance profonde en Allah al-aqidah. Car al-shari'a, la législation musulmane, ayol ikhwatul kiram, ne pourra jamais être construite sur des cœurs qui ne sont pas attachés à leur Seigneur. La législation musulmane, ayol ahbab, ne pourra jamais être ancrée et installée dans des cœurs qui mélangent tout. Et des cœurs qui sont aveugles à cause de leur ignorance et de leur association à shirk. Parmi les prêcheurs également fatigués malheureusement, et qui n'ont pas compris la manière de prêcher à Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ont pris cette responsabilité de prêcher à la religion d'Allah jalla wa ala, ceux qui n'ont pas commencé par où Allah jalla wa ala a commencé. Ils n'ont pas commencé par at-tawhid. Et ainsi nous les entendons raconter des histoires, et des récits, et des paroles faibles, et des récits de Benou Israël, et des paroles futiles et frivoles, dont le fait de connaître ces récits n'est pas utile pour la personne, et le fait de les ignorer ne nuit pas à la personne. Ainsi, il ne faut pas, ayyuha al-ikhwatul kiram, il ne faut pas oublier qu'il est obligé pour nous, et qu'il nous incombe, et qu'il est indispensable d'améliorer notre croyance profonde, d'améliorer et d'apprendre notre dogme al-aqidah vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il nous incombe d'ancrer et de planter et d'installer dans notre cœur at-tawhid lillahi jalla wa ala, l'unicité pure en Allah, et également dans le cœur de nos enfants al-awlad. Car at-tawhid, l'unicité d'Allah jalla wa ala, est la base de cette religion. Car at-tawhid est le fondement de cette communauté. C'est pour ce tawhid, ayyuha al-ikhwa, qu'Allah aura envoyé les messagers al-mursalin, qu'Allah aura créé la création al-khalq. C'est pour cela qu'Allah aura envoyé les messagers al-rusul, qu'Allah aura fait descendre et révéler les livres sacrés al-kutub. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé: nul ne mérite d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Ainsi il n'y a pas un prophète et il n'y a pas un messager qu'Allah a envoyé à un peuple sans que ce prophète ou ce messager ne commence avec l'unicité al-tawhid et avec l'avertissement quant à l'association al-shirk. Allah Jalla wa Ala nous dit, en parlant de Nuh alayhi salatu wa salam, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Et nous avons déjà envoyé Nuh à son peuple, qu'il leur dit, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah, et je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, Innama ta'budouna min dounillahi awthanan, wa takhluquna ifka, innama ta'budouna min dounillahi la yamlikouna lakum rizqa, fabata'u inda Allahi rizq, wa'abudouhu wa shkuru lahu ilayhi turja'oun. Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple, certes vous n'adorez en dehors d'Allah que des idoles, et vous ne forgez que des mensonges. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture et subsistance. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le et soyez-lui reconnaissant. C'est à lui que vous serez ramenés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en parlant de Hud alayhi salam, wa ila adin akhahum huda, qala ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. In antum illa muftaroun. Et nous avons envoyé au peuple de Ad leur frère Houd, qu'il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, et vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au sujet de Salih alayhi salam, wa ila thamuda akhahum saliha, qala ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Et nous avons envoyé au peuple de Thamoud leur frère qui est Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. De la terre il vous a créé et il vous l'a fait peupler et exploiter. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos de Shu'aib alayhi salam, وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. Et nous avons envoyé à Madian leur frère Shu'aib, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez point les mesures et le poids dans les balances. Je vous vois dans l'aisance. Allah nous dit en parlant de Moussa alayhi salam, قال أغير الله أبغيكم وهو فضلكم على العالمين. Il dit, est-ce que je chercherai pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de l'univers. Allah Jalla wa Ala nous dit à propos de Isa alayhi salatu wa salam, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Allah nous dit, alors que le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, a dit, ô fils de Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Certes, quiconque associe à Allah d'autres divinités en dehors de lui, Allah lui interdira le paradis al-Jannah. Et son refuge sera le feu al-Nar. Et certes, pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Et enfin, ayol ikhwatul kiram, notre prophète et notre imam, et le plus noble des messagers, et le meilleur des prophètes, et le sceau des prophètes, Khatamun Nabiyyin, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, Allah Jalla wa Ala lui ordonne de dire dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon, et malheur à qui? Aux associateurs. Ainsi, ayol ikhwatul kiram, Luqman rahimahullahu ta'ala a commencé son prêche et a commencé son éducation de son enfant en suivant le prêche et le discours et la tradition des prophètes al-anbiya et des messagers al-mursalim Il a ainsi suivi le chemin et la tradition des serviteurs vertueux, Ibadullah al-Salihin, qui est l'avertissement contre l'association à Allah, al-Shirku billahi azza wa jal, et l'appel à l'unicité d'Allah, al-Tawhidu lillah, le fait de planter et d'installer et d'ancrer dans le cœur de son enfant cette croyance profonde, Ya Bunay, la tushrik billah. Ô toi, mon fils, ne donne point d'associé à Allah. Et cette interdiction, ayol ikhwa, et cet avertissement sont une interdiction et un avertissement général qui englobe tous les types d'associations ashirk. Car les savants, al-ulama, de la croyance profonde, al-aqida, ont partagé l'association ashirk en trois catégories. Et d'autres l'ont partagé en deux catégories. Et ainsi, les trois catégories de shirk, l'association majeure, ash-shirk al-akbar, et l'association mineure, ash-shirk al-asghar, et l'association cachée, ash-shirk al-khafi. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la langue de Luqman rahimahullah à son fils, Ya Bunay, la tushrik billah, ô mon fils, ne donne point d'associé à Allah, cela signifie, ne commets point d'association majeure à Allah, et ne commet point d'association mineure à Allah, et ne commet point d'association cachée à Allah. Et comme le discours est très long, ayyuhal ikhwatul kiram, nous sommes obligés de cibler le discours d'aujourd'hui sur l'association majeure ash-shirkul akbar. Alors soyez attentifs avec vos cœurs et vos esprits et vos oreilles. Ayyuhal ahbab, ja'alani Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah. وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، avant le début de la prophétie et avant l'envoi du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام، les gens vivaient une vie d'association et d'idolâtrie. Ils adoraient les pierres, ils adoraient les arbres, ils adoraient Al-Jinn, ils adoraient les diables, les shayatin, ils adoraient les planètes. Ils adoraient les étoiles en dehors d'Allah, al-Wahid, al-Ahad. L'arabe dans la péninsule arabique, ayol ikhwa, la personne arabe, avant l'islam, sachez que lorsqu'il désirait voyager d'un endroit à un autre, il rassemblait quatre pierres. Trois pour lui, et une pour effectuer et vouer un culte exclusif à cette pierre en dehors d'Allah, jalla wa ala. Jusqu'à ce que l'islam arriva. Jusqu'à ce que l'islam vint avec la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec la lumière de l'unicité pure at-tawhidu lillahi azza wa jal, cet islam ainsi éloigna ainsi les ténèbres de l'association ash-shirk et éloigna les ténèbres de la mécréance al-kufr, et il fait sortir alors les gens de l'adoration des serviteurs al-ibad à l'adoration d'Allah al-wahid al-ahad, et fait sortir les gens de l'injustice des religions al-adiyan à la justice de l'islam. Et elle fit sortir les gens de l'étroitesse de ce bas monde ad-dunya à la largesse de ce bas monde et l'au-delà ad-dunya wal-akhirah. Et ainsi, plus les gens s'écartent de l'époque de la prophétie, plus les gens dévient quant à l'apprentissage de leur religion. Malgré que l'on soit au début d'un nouveau siècle, malgré que l'on soit dans ce siècle que les gens appellent le siècle de la technologie et le siècle de la modernité, que les gens appellent le siècle des sciences et de l'avancée technologique, et de la communication et des transports. Malgré tout cela, ayol ikhwatul kiram, malgré que nous vivions dans cette avancée étonnante, certes, beaucoup de gens, en ce moment, et de nos jours, et dans ce nouveau siècle moderne, adorent autre qu'Allah, jalla wa ala. Et vous, un culte exclusif en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il y a encore des gens de nos jours, ayol ikhwa, qui adorent le soleil, al-shams, qui adorent la lune, al-qamar. Il y a des gens qui adorent le feu, an-nar. Il y a des gens qui adorent les pierres encore. Il y a des gens qui adorent les arbres. Il y a même qui adorent des vaches. Et vous serez étonnés et vous rirez, ayol ikhwa, si nous vous disons que beaucoup de gens de nos jours adorent les souris et les rats. En leur offrant de grandes quantités de nourriture, et en leur donnant des offrandes, et en bâtissant des constructions et des temples afin de les adorer, wal'iyadu billah. Parmi des gens également, il y a des gens qui adorent les serpents. Il y a des gens qui adorent Al-Jinn, il y a des gens qui adorent les diables, les shayatines et d'autres choses encore. Ainsi, ayol ikhwatul kiram, même si l'image de l'association a changé en ce siècle et en cette époque, l'association majeure, ash-shirkul akbar, est encore présente. Ainsi, ce n'est pas le même type d'adoration. À l'époque des Arabes, dans l'époque de l'ignorance al-Jahiliya, les Arabes taillaient dans une pierre une idole et se prosternaient devant cette idole. Beaucoup de gens, de nos jours, sont tombés dans l'association majeure, mais dans différents types d'associations différentes que celles des Arabes auparavant. Car l'adoration al-ibada n'est pas seulement et simplement la prosternation al-sujoud et l'inclinaison al-ruku' ou bien d'autres adorations comme on les connaît. Mais comme nous le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit l'adoration al-ibada est un nom général et représente tout ce qu'Allah aime comme parole et comme action apparente comme cachée. L'adoration al-ibada représente tout ce qu'Allah aime comme parole et comme action apparente comme cachée. Et ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous concluons et nous remarquons que beaucoup de gens adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont effectué ainsi des actions d'adoration ne devant être dédiées et destinées que pour Allah jalla wa ala. Parmi des gens, ayyuha al-ikhwatul kiram, il y en a qui adorent l'argent en dehors d'Allah. Il y en a qui adorent l'argent al-mal en dehors d'Allah al-wahid al-ahad pour gagner encore plus, pour avoir encore plus d'argent et de richesses. Ainsi, ils consacrent tout son temps et tous ses moyens et toutes ses capacités. Et il utilise tous les moyens afin d'avoir et de gagner de l'argent et de l'accumuler. L'argent auprès de lui est plus important que la prière as-salah. L'argent auprès de lui est plus important que l'aumône obligatoire as-zakah. Ainsi, il passe avant le jeûne as-siyam et le pèlerinage al-hajj. Il délaisse la prière à cause de son travail. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Il délaisse l'aumône obligatoire as-zakah à cause de son avarice, car il a peur de perdre de l'argent. Pourquoi ? Car son Dieu est l'argent, sa divinité est l'argent elle-même. Comment pourrait-il donner son Dieu à quelqu'un d'autre ? Al-Hajj, pour lui, est une perte. Car il donnerait son argent et il donnerait son Dieu. Et il ne peut pas jeûner également, sous prétexte qu'il doit avoir de la force pour gagner de l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. » Malheur et aura certes désespéré l'adorateur du dinar et l'adorateur du dirham. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Hurayra radiallahu anhu. Na'am, des gens de nos jours, ayol ikhwa, adorent les dollars et adorent les euros et adorent les riels en dehors d'Allah al-Wahid al-Ahad. En dehors du Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi wa Sama. Parmi des gens, ayol ikhwa tul kiram également, il y en a qui adorent leurs plaisirs et leurs passions et leurs désirs en dehors d'Allah jalla wa ala. N'entends-tu pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te dit? أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion comme sa propre divinité? وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Alors qu'Allah l'a égaré avec de la science. Parmi des gens, ayyuha al-ikhwatul kiram, il y en a qui adorent at-tawarit, les idoles qui sont satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah, jalla wa ala. Ainsi, il y en a qui adorent des artistes en dehors d'Allah. Il y en a qui adorent les chanteurs. Il y en a qui adorent les sportifs. Il y en a qui adorent les comédiens, il y en a qui adorent les hautes personnalités et ainsi de suite. Et ils avancent pour cela, et ils avancent pour ces personnes, ce qu'ils n'avanceraient même pas le tiers pour Allah jalla wa ala. Parmi les gens, ayol ikhwatul kiram, il y en a qui adorent leur femme. Il y en a qui adorent leur femme en dehors d'Allah jalla wa ala. Sa femme pour l'un d'entre eux est elle al-qibla, la direction pour lui sacrée. Na'am, il se dirige vers elle dans tous ses mouvements. Et il s'oriente vers elle dans toutes ses attitudes. Et il se met à genoux devant elle afin d'obtenir quoi ? Sa satisfaction et son agrément. Et parmi les gens également, il y en a qui adorent leur propre personnalité. Et eux-mêmes, en dehors d'Allah jalla wa ala, il n'a pas de but que dans la vie de son corps. Il n'a pas de but que dans sa vie et dans son corps et ses muscles. Il n'a pas de but et il passe tout son temps et toute sa vie pour son corps et ses muscles. Il n'a pas de souci que dans sa condition physique et la force de ses muscles. Et on peut dire la même chose également pour les femmes an-nisa, qui adorent leur propre personnalité et leur corps humain en dehors d'Allah jalla wa ala. Elles s'adorent elles-mêmes et elles ne pensent rien qu'à leur beauté et qu'à leur hauteur et qu'à leur taille et qu'à leur longueur et qu'à leur poids et ainsi de suite. Ainsi l'image de l'association Ashilkul Akbar ayol ikhwa diverge et aura complètement changé entre les deux époques. De nos jours, voilà telles sont les formes à peu près d'associations majeures Ashilkul Akbar ayol ikhwa tul kiram. Ce ne sont plus les pierres taillées que l'on adore. Mais de nos jours, on adore malheureusement des gens et des idées et des partis en dehors d'Allah jalla wa ala. Fashirkul akbar ayyuha al-ikhwatul kiram. Il est très important et il nous oblige d'avertir au sujet de cette association. Ashirkul akbar, l'association majeure, est certes le plus grand péché et c'est le plus grand crime qui n'est pas pardonné par Allah al-Aziz al-Jabbar, c'est le plus grand des péchés. Yaqulu Allah jalla wa ala, Allah nous dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé aura certes commis un énorme péché. Et Allah nous dit, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Et quiconque donne des associés à Allah, il se sera égaré très loin dans l'égarement. Sachez que l'association majeure est Shirkul Akbar et Yol-Yakhwa annule les actions et fait interdire aux serviteurs l'entrée au paradis Al-Jannah et le fait rentrer dans le feu An-Nar. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-Jannah wa ma'wahu an-Nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdira le paradis Al-Jannah. Et son refuge et sa destination sera le feu de l'enfer Nar ou Jahannam. Et pour les injustes, ils n'auront aucun secoureur. Le fait d'associer à Allah, ayyuha al-ikhwatul kiram, quelconque associé, est une grande cause pour que le serviteur subisse un grand châtiment. Écoutez ce que nous dit Allah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, ou que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Ainsi Allah, Jalla wa Ala, ne pardonnera jamais aux mécréants dans sa mécréance s'il meurt ainsi. Et il ne pardonnera jamais, subhanahu wa ta'ala, à l'associateur s'il meurt dans son association, même à ses prophètes al-anbiya et à ses messagers al-mursalim. Après qu'Allah, Jalla wa Ala, et citer ses prophètes et ses messagers, et les ait loués, et les ait évoqués et complimentés, de par leur science, de par leur piété, de par leur guidée, comme dans Sourate Al-An'am, Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. De même, une partie de leurs ancêtres, et de leurs descendants, et de leurs frères, nous les avons choisis, et nous les avons guidés vers un chemin droit. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Telle est la guidée, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. وَلَوْ أَشْرَكُوا. Et s'ils avaient associé à Allah quelque associé, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient associé Allah, tout ce qu'ils auraient fait n'aurait servi à rien. Allahu Akbar. Même les prophètes al-anbiya, même les messagers al-mursaloun, et même le meilleur d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam, son Seigneur s'est adressé à lui d'une façon menaçante, et comme ceci dans la parole d'Allah jalla wa ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah lui dit, en effet, il t'a été révélé, ya Rasulallah, ya Muhammad, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et tu seras très certainement parmi le nombre des perdants, bien au contraire, adore Allah seul. Et soit du nombre des reconnaissants. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, La taj'al ma'a Allah ilahan akhar, fataq'uda madmouman makhdoula. Et n'assigne point à Allah une autre divinité, sinon tu te retrouveras méprisé et abandonné. Et Allah nous dit également, Wa la taj'al ma'a Allah ilahan akhar, fatulqa fi jahannam malouman madhoura. Et n'invoque point et n'insigne point à Allah une autre divinité, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Et Allah nous dit également, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Et n'invoque ainsi point une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Ainsi, si cela concerne ayyuhal ikhwa, le meilleur des unificateurs, Imam al-Muhidin, le meilleur des monothéistes, sallallahu alayhi wa sallam, si Allah Jalla wa Ala, son Seigneur et son Créateur, l'a menacé d'être parmi les associateurs, qu'en est-il de ceux qui sont au-dessous de lui? Dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Saïd ibn al-Musayyib, selon son père, radiallahu anhu, il nous dit, lorsque la mort arriva à Abu Talib, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, vint le visiter. Et il rentra alors chez son oncle Abu Talib, et auprès de lui se trouvaient Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit: Ya Am, ô mon oncle, qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais te défendre auprès d'Allah le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Et alors Abu Jahl wa Abdullah ibn Umayya dirent alors à Abu Talib: Ya Abu Talib, fuirais-tu de la religion de Abd al-Muttalib? Et alors Abu Talib répondit: non. Et il mourut ainsi dans l'association Ash-Shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit cette scène, dit alors: je demanderai ainsi pardon pour toi tant que je n'en aurai pas reçu l'interdiction. La parole d'Allah fut descendue alors d'au-dessus des sept cieux, min sab'i samawat, ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen ولو كان أولي قربى حتى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient point aux prophètes ni aux croyants d'implorer et de demander le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents ou des proches, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا إياه فلما تبين له انها انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. Et Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Et cette promesse, c'est lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à travers la langue d'Ibrahim alayhi salatu wa salam: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ان ربي كان بي حفيا. Paix sur toi, dit Ibrahim, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Ainsi, Allah nous dit, et mais Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse, et c'est cette promesse que nous venons d'évoquer, qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Ainsi, notre Seigneur, Jalla wa Ala, n'a pas donné sa permission et sa volonté, n'a pas donné son autorisation, ni à son prophète, ni aux croyants al-mu'minin, de demander pardon pour les associateurs al-mushrikin, pour ceux qui auront associé à Allah tabaraka wa ta'ala, même si ceux-là sont des proches, même si ceux-là sont des parents. Il n'a pas autorisé à son prophète alayhi salatu wassalam d'implorer le pardon pour son oncle Abu Talib, qui était un bouclier contre lui et contre les flèches des associateurs contre Quraysh. Son oncle qui défendait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi wassama, n'aura certes point autorisé à son prophète de demander pardon pour son oncle, car il sera mort parmi les associateurs al-mushrikoun. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Buraidat al-Islami, radiyallahu anhu, et wallahi wal ikhwa, c'est un hadith dont il ne nous est pas autorisé de passer rapidement comme cela sur ce hadith. Un hadith dont il faut comprendre le danger de l'association majeure Ash-Shirk al-Akbar. Le danger de cette association est énorme, ayol ikhwa. Nous disons que le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Buraidat al-Islami, radiyallahu anhu. Il nous dit: nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage. On s'arrêta alors, et nous étions pas loin de 1000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua raka'atayn. Il effectua 2 raka'at. Puis il vint nous voir avec un visage, des yeux versant des larmes. Et alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se leva alors vers lui et lui dit: Ya Rasulallah, malak, que t'arrive-t-il? Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit: j'ai certes demandé la permission à Allah tabaraka wa ta'ala d'implorer le pardon pour ma mère, mais Allah ne me donna pas la permission. J'ai alors pleuré par miséricorde envers elle du feu qui l'attend, wa l'ayadu billah. La ilaha illallah ayu al-ikhwatu al-kiram, innaha ummul habib, innaha la mère del habib, telle est la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala n'a pas donné sa permission, n'a pas donné son autorisation à son prophète alayhi salatu wa sallam de lui demander pardon, de demander pardon à Allah pour sa mère. Naam, pourquoi? Car elle est morte en associatrice, car elle est morte et qu'elle associe à Allah des associés, et elle n'est pas morte dans l'unicité pure, al-tawhid. C'est pourquoi dans le recueil authentique d'Al-Imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui meurt en invoquant autre qu'Allah rentrera en enfer en nar. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui rencontre Allah en associant rien avec lui rentrera au paradis al-Jannah. Et celui qui rencontre Allah en associant avec lui rentrera en enfer en nar. Ainsi l'association majeure est shirk al-akbar ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Qu'est-ce que l'association majeure? L'association majeure est shirk al-akbar est le fait d'effectuer des adorations dirigées à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le fait de jeûner pour autre qu'Allah, ou le fait de prier pour autre qu'Allah, ou le fait d'effectuer le pèlerinage al-hajj pour autre qu'Allah, ou le fait d'exprimer un vœu pour autre qu'Allah, ou le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou le fait de demander protection et de chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah, ou le fait de faire at-tawaf autour d'une maison ou autour d'autre chose que la maison sacrée d'Allah, ou le fait d'égorger pour autre qu'Allah, jalla wa ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes fait éloge sur ces vertueux lorsqu'ils nous disent yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Aisha radiallahu anha, celle-ci nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a exprimé le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne le désobéisse pas. Ainsi, ne fais donc ton vœu que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne fais pas un vœu pour un prophète, al-Nabi. Et ne fais pas un vœu destiné à un vertueux, al-Wali. Mais ne fais qu'un vœu pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi également ceux qui rentrent dans Shirk al-Akbar, dans l'association majeure, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, le fait d'égorger pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي dit, certes ma prière et mes actes de dévotion, c'est-à-dire mon égorgement. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَلِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit, en vérité, ma prière et mes actes de dévotion, c'est-à-dire mon égorgement, et ma mort et ma vie appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ainsi, dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a certes maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Allah a certes maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Et la situation et le cas et l'affaire de la bête égorgée pour autre qu'Allah est exactement le même cas que la bête trouvée morte. Il est interdit de la manger et il est interdit d'en tirer profit. Et la preuve, qawlullah tabaraka wa ta'ala, la parole d'Allah jalla wa ala, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair du porc, et ce sur quoi a été invoqué un autre nom que celui d'Allah. Ainsi, cela fait partie de ce sur quoi a été invoqué un autre nom que celui d'Allah, c'est celui qui aura égorgé pour autre qu'Allah, jalla wa ala. Ainsi, ô vous qui égorgez autre qu'Allah, ô vous qui égorgez pour autre qu'Allah, ô vous qui égorgez pour les tombes al-Qubur, ô vous qui égorgez pour Sidi Foulen, pour une autre personne, sachez que vous avez certes associé à Allah quelqu'un d'autre, sachez que vous avez certes commis l'association à Allah al-Wahid al-Ahad, et que vous avez effectué un type d'adoration au diable al-Shaytan, alors que vous ne l'avez pas effectué et dédié pour Allah al-Wahid al-Ahad. Ainsi, il est interdit d'égorger pour autre qu'Allah jalla wa ala. N'égorge pas pour un tel, n'égorge pas pour une autre personne, n'égorge pas devant une tombe al-Qabr, n'égorge pas devant quelque chose du même genre. Et certes, écoutez, ayyou al-ikhwatul kiram, ce hadith ajib, rapporté dans le musnad d'Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Tariq ibn Shihab, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme est rentré au paradis al-Jannah grâce à une mouche. Et un homme est rentré en enfer en nar grâce à cause d'une mouche. Un homme est rentré au paradis Al-Jannah grâce à une mouche. Et un homme est rentré en enfer Nar à cause d'une mouche. Et alors les compagnons dirent, comment cela, ya Rasulallah? Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit. Deux hommes passèrent un jour devant un peuple, et ce peuple possédait une statue à Sanam. Et personne ne devait passer devant cette statue sans qu'elle n'ait rien rapproché pour cette statue. Le peuple s'adressa à l'un des deux hommes et lui dit alors, rapproche quelque chose pour cette statue. Et il répondit alors, je n'ai rien à rapprocher pour elle. Il lui dit, rapproche, même une mouche. Et alors il rapprocha une mouche pour cette statue en dehors d'Allah, Jalla wa Ala. Le peuple laissa passer cette personne. Et lorsqu'il mourut, il rentra en enfer en Nar. Puis un autre passa. Et alors le peuple dit à l'autre personne, rapproche quelque chose pour cette statue. Et alors il répondit, je ne dois rien rapprocher quelque chose, et je ne dois rapprocher quelque chose, excepté pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et alors ils le tuèrent, ils lui coupèrent sa tête. Ils le tuèrent, et il mourut, et il rentra au paradis Al-Jannah. Alors aux ceux qui égorgez pour les tombes Al-Qubur, ou vous qui égorgez pour les rapprochés vertueux Al-Awliya, sachez que vous commettez l'association majeure Al-Shirkul Akbar, sachez que vous tombez dans cette association majeure et que vous devez obligatoirement vous repentir et revenir vers Allah et Jalla wa Ala. Et malheureusement, ayyuhal ikhwa, nous remarquons et nous constatons et nous voyons la présence dans de nombreux pays musulmans de certains cimetières et à côté des abattoirs, à côté de ces cimetières, où l'on y vend des moutons et où l'on y vend des vaches afin de pousser les gens à l'égorgement en dehors d'Allah et de l'association majeure Al-Shirkul Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui rentre également dans Shirkul Akbar ayyuhal ikhwatul kiram et dans ce péché qui n'est point pardonné par Allah et Jalla wa Ala, le fait de demander protection à autre qu'Allah et Azza wa Jal, le fait de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de demander protection à l'jinn. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or il y avait des humains parmi les mâles qui cherchaient protection auprès des hommes parmi Al-Jinn, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, il n'est autorisé de demander protection et de chercher refuge qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et si jamais le diable, le shaytan, t'incite à agir autrement, cherche refuge auprès d'Allah, car c'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Khawlata bint Hakim radiallahu anha, celle-ci nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, celui qui descend dans un lieu et dans un endroit et qui dit, A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, je cherche refuge auprès des paroles parfaites et complètes d'Allah contre le mal qui a été créé, rien ne le nuira jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, يقول الله تبارك وتعالى, Allah nous dit, Ya bunay, la tushrik billah, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Inna shirka la dhulmun azim, certes l'association à Allah est vraiment une injuste énorme. As'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Je demande à Allah jalla wa ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux qu'Allah a guidés, ce sont eux les doués d'intelligence. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.